Pour utiliser ce service, sélectionnez la rubrique de votre choix à l'aide des touches de votre clavier. Pour faire défiler un paragraphe, appuyez sur la touche dièse. Pour réécouter un paragraphe, faites le 1. Pour revenir au sommaire, utilisez la touche étoile.